En tournant à droite, je change de direction. Je dois donc laisser passer les usagers déjà engagés. C'est le cas notamment pour ce piéton. Je dois ralentir et m'arrêter si nécessaire pour le laisser passer. Réponse A.